بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À cause du pacte des Quraysh. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. De leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été. فليعبدوا رب هذا البيت. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte.